Bonsoir les audionautes, bienvenue dans Tokyo Mental, un Tokyo Mental ce soir un peu plus différent, mon dieu comment je parle français, parce que visiblement, vu comment je parle là, voyez-vous, j'ai rien préparé, enfin je veux dire, d'habitude j'écris quoi, ce que je vais dire, mais là j'ai pas eu le temps, l'émission m'a pris un temps fou, j'ai passé mon temps à monter, remonter, à y re-remonter les morceaux que je diffuse. Et j'ai repoussé le moment où j'allais écrire, et le moment est arrivé plus vite que prévu, et le résultat, c'est que voyez, je suis sans filet, je suis un vrai cascadeur de la radio. Et je parle sur Chaka Khan, ce qui est presque un blasphème. Alors pourquoi je parle sur Chaka Khan ? Pourquoi cette intro d'ailleurs ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est ce qui ouvre la série Pause, qui est une série sur les drag queens et les ballrooms. Parce que ce soir, j'avais envie de parler des drag queens, de la culture drag. Vous ne le savez peut-être pas, parce que je n'en ai jamais parlé. D'habitude, c'est le narrateur qui parle, mais là, c'est celui qui est derrière. J'ai été DJ dans une autre vie, et en tant que DJ, j'ai joué de la house, de la techno. J'ai joué dans pas mal de clubs gays. Et j'ai rencontré donc des drag queens. Les drag queens, ces créatures étranges et fabuleuses que même les homophobes les plus acharnés finissent par craquer dessus. Rien de pire qu'un homophobe qui est incapable de reconnaître une femme si elle n'est pas attifée comme une espèce de truc hyper maquillé avec des talons et super super féminisé, sexualisé. Ben là, on lui donne un homme, un artiste, grimé en femme, élevant les stéréotypes féminins au niveau de la divinité. Et ben l'homophobie craque forcément parce que ben il sait plus où il en est. Les drag queens, aujourd'hui, ben c'est devenu la cible numéro un de notre superbe droite identitaire dont nous pouvons être fiers en France. Manif pour tous, tous ces gens bien sympathiques, qui croient en Dieu, vous voyez, le Dieu d'amour, de la tolérance, mais qui ouvrent nécessairement et régulièrement des croisades anti-tous qui n'est pas eux. Et donc, il y a de plus en plus d'incidents. Ces gens-là manifestent, ces gens-là écrivent, harcèlent sur les réseaux sociaux, les trucs que je fréquente pas, mais que d'autres fréquentent. Et font pression sur les élus du peuple, ces gens qu'on élit régulièrement, tous les 5 ans, je crois. Et qui normalement, sont au service de la population, pas au service de leur carrière, ni au service de leurs croyances. Et donc, les drag queens font des lectures aux enfants dans certains endroits. Et pourquoi pas, après tout, ce sont des artistes qui pratiquent une forme de théâtre, qui pratiquent la comédie. Il suffit de regarder une émission comme Drag Race France sur France Télévisions pour s'en rendre compte, par exemple. Ce sont des artistes talentueuses. Et pas du tout ces espèces de trucs pervers, sexualisés, qui veulent donner aux enfants une espèce d'idée de la sexualité. Parce que moi, les seuls hommes qui portent des robes, qui agressent sexuellement et qui violent les enfants, ils sont plutôt du côté de ces culs de bénitier de la droite bien réactionnaire, la manif pour tous. Ouais. Ah, le morceau est fini. Ah ben, voyez, je m'emporte. Donc c'est plutôt du côté des curés qui devraient regarder un peu où sont les pervers et les violeurs. Voyez, c'est pas du côté des drag queens. Mention spéciale au maire de Toulouse, dont je ne connais pas du tout les orientations politiques et dont je me fous absolument, qui s'est couché, hein, mais certainement parce que c'est un sympathisant, face à cette ultra-droite. On appelle ça ultra-droite, mais en fait c'est des fachos, hein, faut dire les mots comme ils sont. Et donc il a ouvert une brèche, puisqu'à partir du moment où la démocratie, normalement en démocratie, hein, on ne négocie pas avec les terroristes, or ces gens-là sont des terroristes, ok ? Eh ben, lui, il a négocié, enfin, il a même pas négocié, il s'est allongé comme une lavette qu'il est, et il leur a permis donc de faire annuler cette lecture aux enfants. Voilà. Voilà où on en est en France. Bref, je suis un petit peu en colère. Je vais pas aller trop loin là-dedans, parce que bon, ça sert à rien de s'énerver plus que ça. Ces gens-là méritent pas ma haine. On va s'écouter à la suite donc un morceau de Kiddy Smile. D'habitude, j'annonce pas les titres, hein, parce qu'après tout, vous êtes grand, vous êtes capable de chercher par vous-même sur le web. Kiddy Smile, donc, qui est un DJ, un producteur de house et de techno en France, qui est aussi une drag queen, qu'on retrouve dans Drag Race France, sur France Télévisions. Il fait partie du jury. C'est un DJ que j'aime beaucoup. Et en tant que drag queen, il est très concerné par... en plus, il est noir, et c'est quelqu'un qui a du poids, pourtant c'est quelqu'un de très beau. Si on est hétéro et qu'on voit un cul comme celui-là bouger, il y a peu de chances qu'on reste... En tout cas, moi, je ne reste pas insensible. Et donc, dans cette vidéo, Spread It, il montre un passage à tabac et puis tout ce qui s'ensuit d'une drag queen par des identitaires, des fachos qui finissent par le brûler. Voilà, c'est sympa, hein ? Allez. Thank you. ce coin-là. Espèce de fils de chien. Fermer cette parenthèse et on va aller dans le vif du sujet qui est actuellement donc Tokyo Mental, l'imaginaire dans cette cité qui n'existe pas, la Tokyo de dans ma tête. Psycho だったの。

しよ変われもせずに人のないとおかし全部燃やせやおやおし 死ぬお前を火の粉焚きつけるのが仕事 ガソリンとステロイド燃える様はお見事気休みをしない呪い真似できない茂田カルマトラウマ燃やし尽くすマグマドラマこの悪なき川青い炎みたい死は過去の一つとなりやがて全て異なり Love is dying でもまだ消えてないから忘れてみたい情熱の日はいつしかいつの日にか体は気づいている僕らはいつか消える中には傘を溶かして泣かないで Why so serious それでも踊りたかった眠れないくらい情熱の日はいつしかいつの日にか鼻から気づいているホムラはいつか消えるで何もいらないはずだったなのにまだ変えそう Tokyo Mental. We'll be right back. We'll be right back.

morceau donne envie de hurler, alors on va le remettre. Thank you. Il me reste 3 minutes pour vous dire vite que demain je serai en chair et en os moi-même tout seul avec des membres de l'équipe de Radio Pulsar pour un plateau où on est, je suis enroué à force de crier sur la musique, où j'interviewerai Aerin et Tipiu, deux mangaka autrices, à propos de ce qu'elles font, ce sera très beau. Vous pouvez venir me voir si vous avez envie. Vous pourrez rencontrer le type derrière la voix. Sinon, ben jusque-là, passez une bonne nuit, passez une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut. Thank you.